الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture du livre قصص الأنبياء du Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Dans le dernier cours, on avait terminé de citer l'histoire de Hud. يقول المؤلف رحمه الله قصة صالح عليه الصلاة والسلام. كان ثمود وهي عاد الثانية يسكنون في الحجر وما حولها، وكانوا أهل مواش كثيرة وأهل حروث وزروع، وتواصلت عليهم النعم، فكانوا يتخذون من السهول قصورا مزخرفة، ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة، فبطروا النعم وكفروها وعبدوا غير الله، فأرسل الله إليهم أخاهم صالحا من قبيلتهم يعرفون نسبه وحسبه وفضله وكماله وصدقه وأمانته، فدعاهم إلى الله وإلى إخلاص الدين له، وترك ما كانوا يعبدون من دونه، وذكرهم بنعم الله وبأيامه بالأمم المجاورة لهم، فلم يتبعه إلا القليل. وحين ذكرهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا ونفروا واستكبروا، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك وآدابك الطيبة. وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال، فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا أن دعاهم إلى عبادة الخالق بدلا من عبادة العبيد، وإلى السعادة الأبدية، وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين وهم كانوا أضل منهم. L'histoire de Salih alayhi salam. Thamoud, qui sont appelés aussi les deuxièmes Ad, habitaient dans Al-Hijr et autour. C'était un peuple qui possédait beaucoup de bétail. C'était un peuple également qui avait beaucoup de champs et de cultures. Ils étaient comblés de bienfaits au point qu'ils construisaient dans des vallées de beaux palais. Et ils faisaient ou ils taillaient des maisons dans les montagnes. Mais ils ont rejeté les bienfaits d'Allah et ont été ingrats. Ils ont adoré autre qu'Allah. Allah leur a envoyé leur frère Salih, qui fait partie de leur tribu. Salih, alayhi salam, dont ils connaissent la lignée, la valeur, le mérite, la complétude, dont ils connaissent la véracité et l'honnêteté. Il les appelait à Allah et à vouer leur culte exclusivement à lui, subhanahu wa ta'ala. Il les a appelés à délaisser tout ce qu'ils adoraient en dehors de lui. Il leur a rappelé les bienfaits d'Allah sur eux, de même qu'il leur a rappelé les supplices que les communautés qui les ont précédés ont subis, les communautés qui étaient proches d'eux, qui les ont précédés, mais très peu l'ont suivi. Très peu ont suivi le prophète d'Allah, Salih alayhi salam. Alors qu'il leur faisait le rappel et qu'il apportait les preuves de l'obligation d'adorer Allah et Allah seul, ils se sont sauvés et se sont enorgueillis. Ils ont dit, comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans Sourate Hud, le verset 62, Ô Salih, tu étais un espoir pour nous avant cela. C'est-à-dire, nous pensions de toi que tu étais meilleur que nous tous, de par ta complétude et de par ton bon comportement. Et ceci est une reconnaissance de leur part, est une reconnaissance de son peuple, de toutes les qualités dont était doté Hud, dont était doté Salih alayhi salam, avant qu'il ne dise ce qu'il le dise. Ainsi, ce qui l'a fait rabaisser à leurs yeux, ce qui a fait baisser de sa valeur à leurs yeux, c'est le fait qu'il les ait appelés à adorer le Créateur au lieu d'adorer une créature. La valeur de Salih alayhi salam a baissé aux yeux de son peuple parce qu'il les a appelés au bonheur éternel. Et il lui reproche également d'avoir contredit leurs ancêtres qui étaient égarés, et eux étaient bien plus égarés que leurs ancêtres. ثم أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها وقال هذه ناقة الله التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها لكم آية على صدقي وعلى سعة رحمة ربكم فذروها تأكل في أرض الله على الله رزقها ولكم نفعها ترد الماء يوما فترد القبيلة بأسرها على ضرعها كل يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيته ثم تردون أنتم في اليوم الثاني فمكثت على هذا ما شاء الله. Puis, Salih alayhi salam leur a apporté une preuve immense, un signe évident et un bienfait pour l'ensemble des tribus du peuple de Salih. Il leur a dit, voilà la chamelle d'Allah, qui ne ressemble à aucune autre chamelle, ni dans sa nature, ni dans sa noblesse, ni dans ses bienfaits. Voilà la chamelle d'Allah qui est pour vous un signe de ma véracité et un signe de l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il leur a dit, laissez-la donc paître sur la terre d'Allah. C'est Allah qui lui donne sa pourvoyance et vous profiterez de ses bienfaits. Taridu al-ma'a yawman fa taridu al-qabilata bi asriha. Vous l'abreuvez un jour, puis ce jour même, l'ensemble des tribus viennent la traire et remplir leur récipient. Puis, le lendemain, c'est eux qui boivent, c'est-à-dire du lait qu'ils auront trait. فَمَكَثَتْ عَلَى هَذَا مَا شَاءَ اللَّهُ. Et ainsi, les jours passaient. C'est-à-dire que il donnait à la chamelle, une tribu donnait à la chamelle à boire de l'eau, puis ils remplissaient leur récipient du lait qu'ils avaient trait de cette chamelle, et ainsi de suite, en fonction des différentes tribus du peuple de Salih. ثم قال رحمه الله وكان في مدينتهم تسعة رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من كبرهم وردهم الحق فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أن عقدوا مجلسا عاما ليتفقوا على عقر الناقة فاتفقوا فانتدب لذلك أشقى القبيلة ولهذا قال الله تعالى إذ انبعث أشقاها أي بعد اتفاقهم وند بهم إياه بعثوه لذلك فانبعث واستعد وتكفل لهم بعقرها وهم جميعهم راضون بل آمرون فعقرها فكان هذا العقر مؤذنا بهلاك القبيلة بأسرها. Il y avait dans leur ville un groupe de 9 individus qui faisaient partie de leur diable et qui s'opposaient à Salih de la plus farouche des oppositions. Ils détournaient les gens de la voie d'Allah, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ils semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Et Salih les avait mis en garde contre le fait de tuer cette chamelle lorsqu'il a vu leur orgueil et le fait qu'ils rejetaient la vérité. Et la première chose qu'ont fait ces 9 personnes, ils ont constitué une assemblée générale dans laquelle ils se sont mis d'accord pour tuer la chamelle. Et ils ont choisi pour accomplir cette tâche le plus mauvais d'entre eux. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 12 de Sourate Ash-Shams, le soleil, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, c'est-à-dire pour tuer la chamelle. Il se leva, c'est-à-dire après qu'il se soit mis d'accord et après qu'il lui ait confié la tâche de tuer cette chamelle. Il s'est alors levé, s'est préparé et a tué cette chamelle. Ceci a été un signe de la destruction de l'ensemble de la tribu. فلما شعر صالح بالأمر ورأى منظرا فظيعا علم أن العذاب قد تحتم لا محالة لأن الجريمة قد تفاقمت ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم فقال لهم صالح تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط 9 على أمر أغلظ من عقر الناقة على قتل نبيهم صالح وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته لأنه في بيت عز وشرف وقالوا لنبيتنه وأهله ثم إذا ظن بنا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه أننا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فدبروا هذا المكر العظيم ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح فحين كمنوا في أصل جبل لينظروا الفرصة في صالح بدأ الله بعقوبتهم فكانوا سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدختهم فقتلوا أشنع قتله. Et lorsque Salih alayhi salam a constaté cela et a vu cette chose effrayante qui venait d'être commise, à savoir de tuer la chamelle d'Allah. Et les savants ont dit que Allah Azza wa Jal l'a attribué à lui pour montrer son importance. Naqatullah liyubayyina 'idama sha'ni hadhihi an-naqa wa ahammiyataha. Lorsque Salih alayhi salam a vu cela, il a su que le châtiment allait les toucher sans aucun doute, car le crime avait atteint son summum. Et en accomplissant cela, il ne restait plus d'espoir pour que ces personnes puissent connaître une amélioration. Salih leur a alors dit, تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant trois jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Et Salih a informé de cela l'ensemble de son peuple. Pendant cette période de trois jours, ces neuf personnes se sont accordées à faire une chose bien plus grave que de tuer la chamelle. Ils se sont accordés à tuer le prophète Salih alayhi salam. Ils ont fait un pacte, ils se sont liés et ont juré et ont décidé de faire cela en secret, de peur que la famille de Salih ne vienne s'interposer, car Salih alayhi salam appartenait à une famille noble et honorable. وقالوا, il m'a dit Allah Azza wa Jal, et ils ont dit, nous l'attaquerons de lui, de nuit, lui et sa famille. Et si l'on nous soupçonne de l'avoir tué, nous jurerons alors devant sa famille que, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes véridiques. Ils ont alors préparé cette ruse immense. Ils ont rusé, mais Allah rusa pour son prophète Salih alayhi salam. Alors que ces personnes étaient prêtes à passer à l'action au pied d'une montagne en attendant l'occasion pour tuer Salih, Allah Azza wa Jal les a châtiés et a fait d'eux un exemple anticipé pour son peuple qui connaîtront le châtiment. Allah Azza wa Jal envoya alors un rocher qui tomba du haut de la montagne et qui les écrasa. Et ces neuf personnes moururent donc d'une mort horrible. ثم لما تمت ثلاثة هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم فأصبحوا خامدين ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Puis, lorsque la période de trois jours est arrivée à son terme, un cri terrible est arrivé au-dessus de leur tête et un tremblement les a secoués d'en dessous leurs pieds et ils se sont retrouvés raides morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son prophète Salih et les croyants qui étaient avec lui. Comme l'a dit Allah azza wa jal en parlant de Salih alayhi salam, après que son peuple fut anéanti par ce cri et par ce tremblement, il se détourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils, comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants ?» ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله فوائد تتعلق بهذه القصة بهذه القصة لمورال à retenir de cette histoire. منها أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة وأن من كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم. ولهذا يقول في كل قصة كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين. La première chose que l'on retient, c'est que l'ensemble des prophètes d'Allah Azza wa Jal appelaient à une seule et même chose. Et l'on retient également que tous ceux qui traitent de mensonges un seul parmi les prophètes a traité de mensonge l'ensemble des prophètes, Car celui qui a traité de menteur ou de mensonge l'un des prophètes a traité de mensonge la vérité que chacun des prophètes d'Allah a apportée. Pour cela qu'Allah Azzawajal a dit dans chacune des histoires, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Nuh a traité de mensonge les prophètes. Et il dit en parlant de Ad, le peuple de Houd, et Ad ont traité de mensonge les prophètes. Et en parlant de Thamoud, le peuple de Salih et Thamoud ont traité de mensonge les prophètes. Alors que le peuple de Nuh ont traité qui de menteur? Nuh. Et Allah Azzawajal a dit, et le peuple de Nuh ont traité de mensonge qui? Les prophètes. Al-Mursalin. Pareil pour Ad et pareil pour Thamoud. وَمِنْهَا أَنَّ عُقُوبَاتِ اللَّهِ لِلْأُمَمِ الطَّاغِيَةِ عِنْدَ تَنَاهِي طُغْيَانِهَا وَتَفَاقُمِ جَرَائِمِهَا فَكُفْرُهُمْ وَتَكْذِيبُهُمْ مُوجِبٌ لِلْهَلَاكِ ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي الشرور ولهذا أرجى ما يكون لوقوع العقوبة بالظالمين المجرمين عند تناهي إجرامهم لأن الله تعالى بالمرصاد فيمهل ثم يمهل حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. Ce qu'on retient également, c'est que les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah azawajal châtie des peuples transgresseurs, il les châtie lorsque ce peuple atteint le summum de la transgression et du crime. Le fait que ces peuples ne croient pas en Allah et le fait qu'ils traitent de mensonges les prophètes d'Allah, cela oblige ou cela fait en sorte qu'il mérite l'anéantissement. Mais l'anéantissement les touche lorsqu'ils dépassent les limites et lorsqu'ils atteignent le summum du mal. C'est pour cela que le châtiment est espéré pour les injustes et pour les criminels lorsqu'ils atteignent le summum de leur crime. Car Allah Azzawajal est à l'affût. Et Allah accorde un délai, puis il accorde un délai. Mais lorsqu'il saisit, Allah Azzawajal les saisit de la saisie d'un puissant capable de toute chose. ومنها أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق والحال أنها ليست في العير ولا في النفير ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وقالت جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل نهجته الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. Ce qu'on retient également de cette histoire de Salih alayhi salam, c'est que les fausses croyances qui étaient ancrées et prises de ceux dont l'on pense le bien parmi les ancêtres ou autres, ceci, le fait de prendre les mauvaises croyances et de s'attacher à elle, de la prendre de ceux dont on pense du bien, fait partie des plus grands moyens qui permettent de rejeter la vérité. Et la réalité est que ceci n'est en aucun cas une preuve. C'est pour cela que ce par quoi ont répondu le peuple de Salih à Salih alayhi salam lorsqu'il les a appelés à adorer Allah et Allah seul, qu'est-ce qu'ils ont dit? Atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una, nous interdis-tu d'adorer ce qu'ont adoré nos ancêtres? Et l'ensemble des peuples qui ont traité de mensonges les prophètes qui leur ont été envoyés, l'ensemble des peuples qui ont rejeté l'appel des prophètes et envoyés d'Allah qui leur ont été envoyés, ont dit Inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Ainsi, le fait de s'accrocher aux ancêtres et de faire ce qu'ils font et de se contenter de les suivre aveuglément, et comme l'a dit Cheikh Saadi rahimahullah, le plus grand moyen qui permet de rejeter et d'accepter la vérité. Et il dit rahimahullah, et cette voie est une voie qui malheureusement connaît beaucoup d'emprunteurs parmi les gens du faux. Quelle est cette voie? Le fait de suivre les ancêtres dans le faux. Cette voie que leur ont tracée les diables afin de dévier les serviteurs d'Allah du sentier d'Allah. Et il est connu que la voie des prophètes est la voie de la guidée et de la vérité. Que reste-t-il donc? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Que reste-t-il donc après la vérité, si ce n'est l'égarement? On actifie بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.